Chapitre 13. Mes amis font une rencontre aussi heureuse qu'inattendue. En mai, le soleil se lève de grand matin. Il était 5 heures à peine et déjà il faisait grand jour. César et Aimé, ne parvenant pas à goûter un sommeil paisible, résolurent de s'habiller, puis de faire en compagnie de Balthazar une promenade dans ce beau parc dont on découvrait une partie de leurs fenêtres. Ils pensaient qu'il n'y avait pas de mal à prendre, pour ainsi dire, en possession de ces lieux privilégiés, où ils comptaient bien passer leur vie désormais. Certes, ils étaient ravis de courir dans ces allées, si soigneusement entretenues, qu'il eût fallu avoir recours à une loupe pour y découvrir un brin d'herbe, de s'enfoncer sous ces futaies si hautes et si épaisses que le jour y pénétrait à peine, d'admirer les magnifiques saules pleureurs, qui baignaient avec une grâce remplie de tristesse et de nonchalance l'extrémité de leurs branches dans l'eau transparente des lacs. Oui, ils trouvèrent bon de se reposer, sur le gazon, à l'ombre des marronniers d'Inde ou des gigantesques platanes. Mais on s'habitue si vite aux grandeurs. Ils avaient parcouru dans tous les sens cet admirable domaine, auprès duquel le paradis terrestre n'eût semblé qu'un marécage inculte, et joué dans des allées bordées de rosiers 3 fois hauts, comme leur petite personne, des beignets dont les grappes leur retombaient sur la tête, et de toutes sortes d'arbustes, aux fleurs éclatantes et parfumées. Eh bien, mes petits lecteurs, pour me croire et si vous voulez, en moins de 3 heures, ils s'étaient familiarisés avec toutes ces merveilles, qui déjà ne leur semblaient point de trop pour eux, et ils pensaient bien qu'ils pourraient en jouir largement lorsque César serait groom dans cette maison, où, comme ils avaient pu s'en assurer la veille, il n'y avait rien à faire qu'à s'amuser. Quant à Balthazar, toutes ces choses lui étaient indifférentes, et à tout moment il témoignait son impatience par des allées et des venues, des aboiements et des caresses auxquels César et Aimé ne comprenaient rien. Enfin, on se trouva en présence d'une grille ouverte et il put sortir. Force fut bien à mes amis de le suivre. Il courait, sans se soucier de la fatigue qu'il imposait aux jambes de ses maîtres, et en moins d'un quart d'heure, on se trouva sur la route de Rochemoussu à Fontainebleau. De loin, César et Aimé voyaient que le caniche caressait un homme, et cela les intriguait prodigieusement, car Balthazar n'était point d'un naturel familier. Ils hâtèrent le pas. Mais jugez, mes petits lecteurs, quelle fut leur surprise lorsqu'ils reconnurent le père Antoine. Le père Antoine? Comment cela se faisait-il? Lui qui devait être dans son pays, pourquoi nos amis le rencontraient-ils comme cela, à l'improviste, sur la route de Rochemoussu? Leur imagination était au champ. Bien souvent, le sort se plaît à nous jouer de ces surprises, qui ressemblent à des coups de théâtre, et nous déconcertent tant qu'elles sont inattendues. On se demande comment cela s'est fait, et on n'est pas loin de supposer que des créatures d'un autre ordre, des génies, des esprits, se mêlent à notre insu de notre destinée, et gouvernent nos affaires, les emmêlant et les débrouillant à leur fantaisie, sans prendre seulement la peine de nous demander si cela nous plaît. Il ne s'en faut alors de presque rien, qu'on prenne pour des êtres réels les créatures charmantes qui peuplent les contes de fées. Mais César et Aimé, qui ne savaient point lire, ne connaissaient point de féerie. C'est régal. Je ne suis pas très éloigné de croire que s'ils avaient été en état de supposer que des fées et des génies pussent se mêler de leurs affaires, ils auraient en cette circonstance trouvé leur intervention rien moins qu'agréable. « Ah ça, dit le père Antoine, qui vous a amené par ici, et que diable y faites-vous » Ils racontèrent leur histoire et dirent consciencieusement, parce qu'ils ne savaient point mentir, ce qui leur était arrivé depuis 3 semaines. Mais à partir du moment où ils avaient rencontré Sabin, le brave homme ne cessa de hocher la tête à tout ce qu'il disait. On voyait bien que cette odyssée n'était point de son goût. « Et maintenant, qu'allez-vous devenir ?» demanda le brave homme. « Sabin va nous faire placer domestique au château de Rochemoussu. C'est une grande maison, et où il n'y a rien à faire, » dit naïvement Aimé. « Domestique, » fit le bonhomme en hochant la tête. « Soit, si cela vous convient. Servir ses semblables est un métier aussi honorable qu'un autre, lorsqu'il est exercé honorablement. » Ne sommes-nous pas tous d'ailleurs les serviteurs les uns des autres en ce bas monde? Faire rôtir des marrons pour le public ou pour un particulier, n'est-ce pas toujours faire rôtir des marrons? L'essentiel est que les marrons soient rôtis à point. Moi, il me semble que si je m'étais mis en condition, j'aurais pu faire un brave et honnête serviteur. Après cela, peut-être que je m'abuse, et que c'est plus difficile que je ne pense. Mais l'idée ne m'en serait jamais venue. Ce n'est pas que je ne sois plus fier qu'un autre. Oh non, seulement je n'y ai point pensé. « Sois donc domestique, puisque ça te plaît, mon garçon. Mais entendons-nous, sois-le dans une maison où il y ait de l'ouvrage, et non où il n'y ait rien à faire. Il faut avoir du cœur, mon bonhomme, et gagner le pain qui te fera vivre. Quoi donc? Est-ce que le travail te ferait peur? On me dira que ceux qu'on paye pour ne rien faire gagnent leur argent en ne faisant rien. Cela les regarde. Et aussi les bourgeois qui les prennent à leur service. Mais c'est égal, vois-tu, parader derrière un carrosse ou feignanter toute la journée dans une antichambre en disant du mal de ses maîtres, ça ne peut pas être un bon état. Tiens, César, veux-tu te mettre en condition et en même temps devenir un homme ? Apprends l'état du jardinier. Si ton ami Sabin a quelque influence dans la maison, qu'il t'y fasse entrer comme aide de jardinier. Pour commencer, tu ne gagneras que ta nourriture, mais bientôt on te donnera des appointements, et un jour tu pourras occuper une place de maître jardinier. Mais pour cela, il faut être intelligent et travailleur. Tâte-toi. Allons, te sens-tu capable de cela ? Domestique dans une maison où il n'y a rien à faire, n'est-ce pas une honte d'avoir songé à prendre un pareil métier ? Allons, va retrouver Sabin et ramène-le ici. Je veux causer avec ce garçon-là, et voir un peu ce qu'il est. » César et Aimé retournèrent au château et gravirent assez piteusement les trois étages qui conduisaient à leur mansarde. Celle de Sabin était vide. Ils cherchèrent partout le fameux sac, point de sac. Tout avait disparu. Ils descendirent à l'office et demandèrent des nouvelles de leurs camarades. On ne l'avait point vu. Le cœur serré par un pressentiment pénible, ils revinrent près d'Antoine, qui les attendait sur la route. « Et Sabin ?» demanda le brave homme. « On ne sait ce qu'il est devenu. » « Ah, on ne sait ce qu'il est devenu. »« Eh bien, je vais vous le dire, moi, ce qu'il est devenu. Il est parti avec les 25 francs, dont la moitié vous appartenait à cause de Balthazar. Et d'après le portrait que vous m'en faites, ce doit être l'espèce de vaurien qui est passé près de moi il n'y a pas plus d'une heure et demie, comme j'étais assis sur la route. Vous voilà bien, maintenant. Vos places s'en vont à vos lots. Ce n'est ma foi pas malheureux. Il vous fallait une bonne leçon, vous en aviez besoin, vraiment. Je me demande comment vous avez pu croire qu'un semblable garnement avait du crédit auprès d'un homme comme le prince de Rochemoussu. Et comment vous n'avez pas vu tout de suite qu'il n'était qu'un mauvais sujet et un voleur? Il était temps qu'il vous quittât, car vous alliez devenir deux petits feignants comme lui. Ah, ça, qu'est-ce qui vous fait pleurer? Nous n'avons plus d'argent. Voilà-t-il pas une belle affaire? On dirait vraiment que c'est la première fois que cela vous arrive. Les gendarmes vont nous arrêter et nous rejoindre chez Joseph. Écoutez, ça dépend de vous. Si vous voulez travailler, suivez-moi. Et vous n'entendrez jamais parler de Joseph. Sinon, je vous abandonne, et ma foi, je ne sais pas ce qu'il adviendra de vous. Allons, choisissez. Nous voulons travailler, s'empressèrent de dire les deux enfants. Alors, partons. Seulement, ne marchez pas trop vite, parce que je viens de faire une maladie, et mes jambes ne sont pas encore bien solides. Les pauvres enfants s'empressèrent auprès d'Antoine, et lui demandèrent ce qu'il avait eu. Oh, presque rien, répondit le brave homme. Un refroidissement, une fluxion de poitrine. Je ne sais pas au juste comment le médecin appelle ça. J'avais fait un détour pour voir un ami à moi qui demeure près d'ici. Je ne m'étais jusqu'alors ressenti de rien, mais chez lui je me sens pris tout à coup de frissons, de fièvre, et j'y suis resté près de 3 semaines. À présent ça va mieux. Je me rendais tout doucement à la gare lorsque vous m'avez rencontré. Car maintenant il faut que je prenne le chemin de fer. Je ne suis pas assez fort pour retourner à pied au pays. Bast, il ne faut plus parler de cela. Le bon Dieu qui sait mieux que nous comment il faut conduire nos affaires, « voulez sans doute que je me trouvasse par ici, en même temps que vous autres, pour venir à votre secours et vous aider à sortir d'un mauvais chemin. » Après 1 heure de marche, on était en pleine forêt. César était devenu songeur, et Balthazar humait l'air en poussant de petits cris de joie. Puis il s'en allait flairer les arbres et se roulait dans l'herbe, avec une sorte de frénésie. « Est-ce que ça te déplaît de venir avec moi, César ? » demanda le père Antoine. « Oh non, répondit l'enfant. N'aimerais-tu point la forêt ? Craindrais-tu d'y avoir peur ?» « Peur ? Non, pour ça, je n'y ai point peur. Il me semble au contraire que j'y ai vécu et que je la connais. À la bonne heure !»